Danny Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de l'Avalanche du Colorado hier qui ont remporté une victoire de 4-1 contre les Flyers de Philadelphie. Dans le match, Samuel Girard de Robertval a été blanchi, a joué 20 minutes 25 dans la rencontre. Donc c'est quand même une bonne performance encore une fois pour Samuel Girard qui a terminé le match à 0. Maintenant, on va vous parler du côté de la Ligue du Lac aux Fleuves. On a fait connaître l'identité des trois étoiles de la semaine dans la Ligue du Lac aux Fleuves. D'abord, la première étoile va à Alexandre Larouche qui a marqué 6 buts. Christopher Dallaire a terminé avec la deuxième étoile avec une production de 2 buts, une passe, 3 points. Et Alexandre Mailloux a terminé en troisième place avec une production de 1 but, 7 passes pour 8 points. Donc, il a eu la troisième étoile de la semaine. Maintenant, on va parler du côté du club de patinage de vitesse. Il y avait une compétition en fin de semaine qui se déroulait à Sherbrooke. Il y avait des patineurs du Haut-du-Lac qui étaient en action. On a quelques résultats à vous donner. D'abord, à noter que Karina Montminy de Dolboom-Cessin a terminé en 16e position. Flavie Larocherois, 21e place. Également, Rosalie Tremblay, 25e position de Saint-Félicien. Et Mélina Tremblay a terminé en 27e position. Maintenant, en judo, ça s'est déroulé en fin de semaine. Il y avait une compétition qui s'est déroulée au PEPS de l'Université Laval à Québec. Et le club de judo Albatros de Dolboom-Cessin a très bien fait, remportant 10 médailles. Ils ont remporté 3 médailles d'or chez les U12, 2 médailles d'or au niveau du bronze et une médaille chez les U14 et également une médaille de bronze chez les U16. En plus, ils ont remporté une médaille dans les catégories U18 et U21. Maintenant, il y avait un cross-country qui s'est déroulé en fin de semaine. Ça se déroulait à Chicoutimi, cross-country provincial. Il y avait des athlètes du club du 1000, secteur de Debo qui étaient là-bas. Catégorie moustique, 2 km. Danny Gauthier a terminé en 24e position avec un temps de 9 minutes 57 secondes. Moustique chez les gars, Axel Gay a terminé en 12e place avec un temps de 9 minutes. Également du côté Benjamin Fille, au 3 km, Sakian Duchesneau a pris le 33e rang avec un temps de 12 minutes 1 seconde. Benjamin Gay a noté que Frédéric Lavoie a pris le 60e rang avec un temps de 11 minutes 21. Il a amélioré son temps de 12 secondes. Cadet fille, Miralie Mathieu a pris le 53e rang avec un temps de 19 minutes 15, temps amélioré de 44 secondes. Cadet garçon maintenant, Gabriel Lamontagne a pris le 24e rang avec un temps de 15 minutes 26, il a amélioré de 19 secondes son temps personnel. Et on va vous parler de tennis, c'est le début aujourd'hui du Challenge Banque Nationale à Ville-Saguenay. Hier, dans la section entrevue de DonRazoSport.com, on a parlé avec Caroline Delisle. Et dans un premier temps, Caroline Delisle nous parle que c'est quand même du bon tennis. Et par le passé, le challenge a quand même eu plusieurs bonnes joueuses qui sont venues des athlètes d'élite au niveau mondial qui ont participé à ce challenge Banque Nationale. On a eu quand même d'anciennes championnes qui ont fait leur marque là, au niveau international. On a juste à penser à Angelique Thurber, l'Allemande, qui a gagné les deux premières éditions, qui est devenue numéro un mondial par la suite. On a Rebecca Marino, la seule Canadienne qui a réussi à remporter les grands honneurs en 2010. Timea Babos, qui est numéro un au monde en double maintenant et 60e enceinte. Madison Keys, qui est dans les top 10 au monde. Donc, écoutez, on a plein de bonnes joueuses là, comme ça. Catherine Bellis, qui a atteint le 30e rang mondial, qui est maintenant blessée. Mais on a eu beaucoup de bonnes joueuses qui ont passé ici. Même des joueuses qui n'ont pas nécessairement gagné les grands honneurs, mais qui ont fait leur marque aussi au niveau là, international, comme Sabine Nizicki. Dans un deuxième temps, on sait que le Challenge Banque Nationale a eu des mauvaises nouvelles, puisque la première tête de série a déclaré forfait, de même que Rebecca Marino, qui a connu une bonne saison sur le circuit ITF. Mais il va quand même avoir du bon tennis, explique Caroline Delisle. Effectivement, Marino connaît une très bonne saison. C'est certain qu'elle a une blessure présentement. On espère que ce ne sera pas trop long dans son cas. Mais écoutez, ça fait partie du jeu, hein, comme on dit. Puis, comme on dit, ben même s'il y en a qui se désistent, il y en a quand même plein d'autres. Nous autres, les qualifications étaient pleines avec 32 joueuses. On va remettre d'excellentes joueuses donc, qui sont inscrites. Et puis, on invite les gens à venir voir. Que le tournoi du Challenge Banque Nationale est un tournoi de l'ITF et Karine Delisle explique la différence entre l'ITF et le circuit WTA qu'on connaît plus particulièrement. Comme deux fédérations distinctes, là, donc le ITF, c'est la Fédération internationale de tennis. La WTA, ben, c'est une association bon, qui gère les tournois là, professionnels, circuit féminin. Donc, la différence, c'est plus au niveau des bourses et des points. Bon, la ITF, c'est ça. C'est comme des circuits qui regroupent là, les bourses globales des tournois 25 000 $ 60 000 $ comme le nôtre, 80 000 $ 100 000 $ Donc, tout ce qui est au-dessus de ça, ben, c'est plus géré par la WTA. Donc, par contre, les joueuses ramassent des points. Fait que, si on peut avoir des professionnels aussi, c'est pas un circuit amateur. Il faut bien comprendre là, que des fois, tu peux être classé centième au monde, puis tu peux participer à des tournois de 60 000, 80 000, 100 000. Tu peux même, et des fois, il y en a même qui sont classés 60e, qui vont aussi là, participer à ces genres de tournois-là. Donc, des fois, ça peut être une question de retrouver la confiance quand des fois, des joueuses reviennent d'une blessure ou autre chose. Donc, c'est pas rare de voir des Sport local et régional à danrazosport.com. On s'en occupe.